conseille de les allumer. Nous remercions Guy et Johan qui nous captent ce soir. Donc, c'est le moment ou jamais. Si vous voulez faire enregistrer votre smartphone, ça passera sur YouTube. Thank you. Music, not the background. Play the music, not the background. Play the music, not the background. Make the wrong mistakes. But play the music, not the background. Play the music, not. Play the music and not. Play the music and. Tu t'es trompé d'erreur. Play the music and. Play the music and. Play the music. Tu t'es trompé de fausse note, ce mec. Play the music. Mm-hmm.